Petite somme théologique de saint Thomas d'Aquin, par l'abbé Frédéric Le Breton, tome 4, Gaumet du Pré 1862. Question 52. De la descente du Christ aux enfers. Convenance de la descente du Christ aux enfers. Sa présence substantielle dans le séjour des justes. Il y a été tout entier pendant que son corps était dans le tombeau. Il n'a délivré aucun damné de l'enfer. Toutes les âmes du purgatoire n'ont pas été affranchies. 1. Convenait-il que le Christ descendît aux enfers? Dieu avait dit par la bouche du prophète Osée 13:14, ô mort, je serai ta mort, enfer, je serai ta ruine. Dévoué à la mort pour nous en délivrer, le Christ voulut descendre aux enfers pour nous en affranchir. Ne convenait-il pas que, vainqueur du démon par sa passion, il en délivra les captifs, afin que, selon l'expression de saint Paul, après avoir désarmé les principautés et les puissances, il attacha leur dépouille à son char de triomphe, Colossiens 2:15. Il convenait pareillement qu'ayant montré sa puissance sur la terre pendant sa vie et à sa mort, il la fit éclater aussi dans les enfers, en les visitant et en les éclairant. Prince, s'écriait le psalmiste, 23:7, enlevez vos portes, c'est-à-dire, reprends la glose, prince de l'enfer. Résiliez ce pouvoir par lequel vous avez jusqu'à ce moment retenu les hommes dans vos demeures, désormais tout genou doit fléchir au nom de Jésus, non seulement dans le ciel, mais dans les enfers. Note. La passion, cause universelle du salut des hommes, devait être communiquée aux vivants et aux morts par des moyens spéciaux. Les sacrements l'appliquent aux vivants. La descente du Christ aux enfers y fit participer les morts. Fin de la note. 2. Le Christ est-il descendu dans l'enfer des damnés? Le Christ est descendu dans tous les enfers par les effets de sa puissance, dans l'enfer des damnés, pour les convaincre de leur infidélité et de leur malice, dans le purgatoire, pour y porter l'espérance de parvenir à la gloire du ciel, dans les enfers où les saints patriarches étaient retenus à cause du péché originel, pour y répandre la lumière de la gloire éternelle. Il n'est descendu toutefois par sa présence substantielle que dans l'enfer des justes, c'est-à-dire dans les limbes. 3. Le Christ a-t-il été tout entier dans l'enfer? Le Fils de Dieu, dit saint Augustin, est tout entier dans le Père, dans le ciel, sur la terre, il a été tout entier dans le sein de la Vierge, sur la croix, dans l'enfer, dans le paradis. Le corps et l'âme, à la mort du Christ, n'ayant jamais été séparés de la personne du Fils de Dieu, quoique l'âme ait été du corps, le Christ a été tout entier dans le sépulcre par son corps, tout entier dans l'enfer par son âme, et tout entier dans un lieu quelconque par sa divinité. Note. De ce que le corps du Christ n'est pas descendu dans les enfers, s'ensuit-il que le Christ n'y a pas été tout entier? Non. Cela prouve uniquement que tout ce qui appartenait en lui à la nature humaine n'y est pas descendu. La personne du Christ est tout entière dans un lieu quelconque. Fin de la note. 4. Le Christ a-t-il séjourné dans l'enfer? S'il a voulu que son corps restât deux nuits et un jour dans le sépulcre pour prouver la réalité de sa mort, il faut croire que son âme a été dans les enfers pendant le même temps, et qu'au jour de la résurrection, son corps et son âme sont sortis ensemble, l'un du tombeau, l'autre des enfers. Note. Le Christ, descendu dans les enfers, y a délivré aussitôt les justes, en les éclairant de la lumière de sa gloire, mais il ne les en a pas fait immédiatement sortir. Le bon larron, en y descendant avec lui, s'est trouvé dans le paradis. Quant à la récompense, il y jouissait de la divinité du Christ, comme les autres justes. Fin de la note. 5. Le Christ, en descendant aux enfers, en a-t-il délivré les saints patriarches, déchargeant les justes de la dette qui les excluait de la vie de la gloire? Le Christ leur a permis de voir l'essence divine. Or, du nombre de ces justes étaient Abraham, Isaac, Jacob et les autres patriarches, retenus en ces lieux par le seul péché originel. Bien qu'ils en eussent obtenu le pardon pendant leur vie, ce péché les excluait encore de la gloire, jusqu'à ce que le prix de la rédemption humaine fût payé. Note. C'est de la sorte que, maintenant encore, les chrétiens, délivrés par le baptême de la peine due à leurs péchés actuels et à leurs péchés originels, pour ce qui est de l'exclusion du ciel, sont assujettis néanmoins par la dette du péché originel à la mort corporelle, selon cette parole. Le corps meurt à cause du péché, tandis que l'âme vit à cause de la justification. Romains 8, 10. Fin de la note. 6. Le Christ a-t-il délivré de l'enfer quelques damnés? Le Christ n'ayant opéré dans les enfers qu'en vertu de ses souffrances, sa descente n'y a été profitable qu'aux âmes unies à sa passion par la foi et par la charité qui efface les péchés. Quant à celles qui n'avaient point eu la foi ou qui, possédant la foi, n'avaient pas eu la charité qui purifie des péchés, elle ne les a pas délivrées, aucun damné n'est sorti de l'enfer. 7. Les enfants morts avec le péché originel furent-ils délivrés? Les enfants morts avec le péché originel n'avaient pas été unis à la passion du Christ par la foi et par la charité, car, n'ayant point l'usage de la raison, ils n'avaient pas eu la foi personnelle, et celle de leurs parents ou quelque sacrement de la foi ne les avait pas non plus purifiés de leur péché originel. Dès lors la descente du Christ aux enfers ne les délivra pas. 8. Le Christ, en descendant aux enfers, a-t-il délivré les âmes du purgatoire? La descente du Christ aux enfers n'a fait qu'y appliquer les mérites de sa passion, qui n'a point eu alors plus d'efficacité qu'elle n'en a aujourd'hui. C'est pourquoi les âmes du purgatoire qui se trouvaient dans les conditions de celles que la justice divine y retient actuellement, ne reçurent pas leur affranchissement. Celles-là seulement en furent délivrées qui le seraient maintenant. markemdanarchive.org 2021. D'après Books Google FR, licence Creative Commons pas d'usage commercial, partage à l'identique.